comment m'exprimer, comment te dire tout le mal que j'ai, comment faut-il faire pour se faire aider, sans que ça nous nuise. On a beau espérer à des jours meilleurs, on a beau vouloir mieux, mais on a beau vouloir guérir, mais le mal est fort, faut du courage. Pour savoir rien de mieux, et des fois encore pire. S'en soucierait quand le mal c'est si fort. Se taper la tête contre les murs. Pour refaire la peinture.